Earth where no much hope. You can buy weapon, drug them, stupid fury. No matter how this my tool became, it make us, it make our will reunite in the same place. Or loop decay, it make us sound our proper frequency. Let's just say we are all loose of our selves, spread in a world with different abilities from different tastes. Soccer, rugby, music for us. Recognize ourselves. I ain't no musician, but I play music all day. Each day I ain't no musician, but I'm living through this vibe. I know all the way to scrub the phonic reality. I know all the scales, I know all the ways to cut it down, to understand it, to roll it down, to own it, to sing it, to share it, to share it, to sing it. Properly. Thank you. feels no pain. This all was the elbow. I don't want to think about it. All the space is so much to me. It's a despair. I can't imagine. Sometimes I had a journey. I was on a journey with some balls and shit, and à me lever, j'aurais pas vu de bon demain. Et je pense demain matin. J'aurais du mal à me lever, je rentre à 9h pour vos 5000 francs de l'heure. Et j'en veux même pas pour mon 4 heures. Ok, je me lève.

été pour le travail à la chaîne, un monde où on nous enchaîne pour le croire de la haine. Fais-lui croire que tu l'aimes, pour plus tard à la Toussaint lui porter des chrysanthèmes. Pourrions-nous tant pour croire en Dieu, pourrions-nous rester enfants avant de devenir vieux, pourrions-nous avoir un peu de vent dans nos cheveux, pas important mais c'est très bon pour eux, pourrions-nous avoir du temps pour admirer, respirer autre chose que des hydrocarbures, pour ne plus voir l'Amazonie se transformer en tas de cieux, pour se faire une idée du présent, un soupçon du futur. Pourrions-nous avoir du temps? Pourrions-nous avoir du temps? Pourrions-nous avoir du temps? Pourrions-nous avoir du temps? Pour ne pas être dans le taquin, dans le temps la terre tremble, pour être ce qu'on a besoin ou pour pouvoir vendre ce qui nous sert à rien et rend envieux le voisin. J'ai rien prévu pour demain. J'ai rien prévu pour demain. Cause lazy are gonna save the world. J'ai rien prévu pour demain. I've got nothing planned for tomorrow. Nothing planned tomorrow. Wish I had some time to look at nature. Wish I had some time to breathe. Wish I had some time to look Amazonia. Survive. Have some time, but I ain't got nothing planned tomorrow. Wish I had some time to be realistic. I got nothing planned tomorrow. Would you remember the time when we fell in love? Remember the time as we first met, the time when we fell in love? Remember the time when we first met, when we fell in love? Remember the time when we first. When we first met, we remember the time when we fell in love. Remember the time when we first met. got one tool and you own it, what would you do? Would you serve a greater purpose? With a great power comes great responsibility. Will it mend your life? Love can break your heart, but love can mend your life. It's a message, it's a message in a bowl. Yeah. track, I got the license. I'm track, it's going even. That's what my man does. That's what my dad does.